Yahweh Elonga Ezali abiso bana ya voyant Soleil a pesi lumière Tokolonga Fondation Mundele Etienne Mundele Apôtre de l'amour $1 qui rayonne Wasole se jambo a tous les mélomanes Congo jambo kodo se dosé Jouke te premier kao dosé Enene deuxième kao dosé La Il n'y a rien de spécial, non parle pas Tozo mon abangote, pas de vision Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Wasole ya salimino nini Kodo sa salimino Mokili mokipa Mon antie Soleil est parti na mboka, Malili est parti na Nigeria. Le ministre de l'ambiance.